Maman, ça fait 15 ans que je suis né, mais ça fait aussi 15 ans que je te fais chier. Sans cesse, je te désobéis, je m'en veux car tu souffres par ma faute. Maman, je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai pu te faire qui t'ont fait souffrir. Je te demande de me pardonner car j'en peux plus de te voir sans cesse souffrir à cause de moi. Mes conneries s'empirent de plus en plus, mais malgré les conseils et les psys, je n'y arrive pas. Je souffre de mes conneries car elles ne font qu'empirer ta santé. Maman, faut que je trouve un moyen pour enfin tout arrêter. Car le plus le temps passe, plus mon âme sombre. Elle sombre dans une peine et une haine sans égale. La seule chose qui puisse l'arrêter est rester dans l'ombre. Trop loin de moi et mon modèle, car mon modèle c'est papa. Tu dois le savoir depuis le temps que je te demande. Maman, quand est-ce que je vois mon père? Cette question est collée à mon cœur qui quémande. Il pleure car papa nous a laissé, toi et moi, tomber en enfer. Je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire pour qu'enfin nous retrouvions le bonheur, que notre relation reparte de plus belle. Ensemble, nous soyons loin du malheur. Maman, j'aimerais tant qu'on se rapproche car le temps ne fera que nous éloigner l'un de l'autre. Ce n'est pas bon et ça sans cesse je me le reproche, car si on n'est pas complice c'est par ma faute. Je regrette sans cesse toutes les vilaines choses que j'ai pu te faire, grave ou pas, c'est la même. Quelle qu'elle soit, ça n'arrêtera pas ta peine, car ta peine ne partira pas en écoutant mes proches. Maman, j'en ai marre d'être si loin de toi, on est pourtant si proches parce qu'on vit sous le même toit. Et même en étant si proches, on est trop loin. Nos deux cœurs pleurent, ils ont besoin de soins. Je dois de les aider à ne pas vivre dans le besoin, car sinon, ils risquent de pourrir chacun dans un coin. Maman, on ne doit pas laisser le temps nous éloigner, car un fils et sa mère sont dans le devoir de s'aimer. Ils se doivent d'être complices et doivent s'entraider pour qu'ensemble ils puissent avoir une relation aisée. Si nous n'avons pas ce genre de relation, c'est que nous n'avons pas les moyens de l'avoir, ou alors que du problème, nous n'avons pas la solution. On se doit de la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Maman, j'aimerais tant être comme tu le souhaites. Malheureusement, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, parce que toi, t'aimerais que je sois un ado qui ne fait aucune connerie. Mais au fond de nous, les conneries, on sait tout ce que je surkiffe. J'aurais aimé ne pas aimer les bêtises et aimer l'école. Malheureusement, en cours, je n'ai que des mauvaises notes. Tu le vois et tu râles, maman, je te comprends. Je n'aimerais pas que mon enfant soit un cancre. Mais tu sais, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait beaucoup plus souvent ce qu'on peut. Maman, si je te dis tout ça ce soir, c'est que mon cœur ne supporte plus la douleur qu'il contient en lui, tout comme mon désespoir. Car il souffre, il a mal, il a peur, donc il pleure. Ce soir, je t'écris que c'est beaucoup plus simple que de venir te dire ce que j'ai sur le cœur en face, même si j'essaie depuis longtemps, mais en vain. J'abandonnerai pas, je t'attendrai pas que le temps m'efface. Car maman, plus le temps passe, plus on s'éloigne. Je ne veux pas m'éloigner, mais plutôt me rapprocher de toi. Je t'aime, maman.